Krushkov, Tuki, Adrien et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Andor et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andor. Ouais, voilà. Oh putain, je croyais que c'était Mando. Bon bah à la prochaine alors. Bisous. Attends, on va parler d'une série là? Ouais. Merde. Et c'est un truc Star Wars, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Et oui, avec Spock. Star quoi? Spock. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Maddy. Bonjour. Adrien. Salut. Et Tuki. Coucou. Comment vous allez tous, même si vous venez juste de découvrir l'existence de Star Wars? Je suis chamboulé. Oh. Ça va niquer. Du coup... Comment ça? Je m'attendais pas au L à la fin. Ah oui, j'ai entendu. Moi, j'ai littéralement entendu ça. Ça va niquer. Ça va niquer. Okay. Ouh là là, je sais qu'on va parler de Mon Mothma, mais quand même. Et oui, du coup, on est de retour pour parler des épisodes 1 à 3 de la saison 2 de Andor, écrit par Tony Gilroy et réalisé par Ariel Kleiman. Le grand retour de cette série pour sa seconde et dernière saison. Elle avait été évidemment acclamée par la critique, pas forcément très regardée, mais on s'en fout parce que au moins elle va être complétée. Mes petits chouchous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour, sans spoilers, de ce premier arc de 3 épisodes? Et je vais commencer par Tuki. Oui. C'est mon avis. Très bien. Maddy. Ah bah, la kiffance. Hein. Ok. Et Adrien. C'était vraiment très bien. Est-ce que tu as regardé ou pas? Oui, mais bien sûr, j'ai vu. Oui. Il va se méfier à chaque fois qu'on parle de série, je coffe pas de temps, c'est parfait. Adrien, l'acteur, en train de bluffer. Non, là j'ai vraiment vu. Ah oui, j'ai lu le livre. Alors, j'ai vu les deux premiers épisodes, on les a regardés avec Maddy cet après-midi. Voilà. Trop mignon. Ouais, fallait que je les revoie. Mais pas le troisième. Je suis, voilà, je les ai vus. Et j'ai vu le troisième en mangeant, voilà. Ah d'accord. Bon, ça okay. Ça m'a un peu coupé l'appétit, je vais pas vous mentir, mais... Ah, moi, je dirais que ça m'aurait ravivé l'appétit, au contraire. Ouais, ça dépend de quelle scène, je suppose. Oui, voilà. Toutes les pires scènes. Les plus pires scènes. Quand il y a des morts, là, ça donne faim. Hein. Voilà, donc là, on va passer en spoiler. Hey, j'ai pas spoilé, je suis resté vague. Bah, c'est la guerre, donc il y a forcément des morts, voilà, de toute exactement. Façon. Dans ce nouveau format, comme on avait fait avant, mais de manière un peu plus précise, on va pas y aller par ordre forcément selon le fil des épisodes. On va y aller par les différents thèmes abordés dans ces épisodes. Donc voilà, si vous avez pas vu la série, enfin ces 3 épisodes, on va en parler complètement avec tous les spoilers et pas dans l'ordre, vous voyez si ça vous intéresse ou pas, et on y va, let's go. Le premier thème dont je voulais qu'on parle, du coup, qui est celui dont j'ai vu le plus de réactions, pas forcément négatives, mais j'ai vu le plus de plaintes par rapport à cet arc là spécifiquement, c'est la discorde entre les rebelles. Alors c'est quelque chose qui était introduit dans la saison 1, lors d'une discussion entre Luthen et Saw Gerrera, avec Saw qui parlait de plusieurs personnes, dont la chef du groupe qui est au cœur de cet arc-là, dans ces 3 épisodes, en disant qu'ils étaient tout le temps en train de se foutre sur la gueule au lieu de se battre contre l'Empire, etc. etc. Et il avait raison. déjà, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce truc de la rébellion, c'est que dès le début, dès la première scène, on voit que ça y est, Cassian, il a embrassé la rébellion, le fait de se battre contre l'Empire, qui était évidemment son arc de la première saison. Il m'a vraiment rappelé Luthen quand il rassure la jeune mécano là sur c'est quoi c'est chez Sienar, ceux qui font les TIE Fighters et tout ça. Donc voilà. ça m'a rappelé Luthen, je sais pas vous, moi ça m'a j'ai trouvé ça très intéressant de voir que oui, lui il est vraiment à fond maintenant et puis c'est parti. On ouais. commence déjà avec un personnage qui est convaincu et qui du coup maintenant lui-même est là pour convaincre les autres autour de lui. Ouais. Et tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise mm-hmm. et beaucoup plus dans son élément parce qu'on voit enfin son côté flirt. Parce qu'à mm-hmm. chaque fois dans la saison 1, on te parle de... Tu sais, ils te font la liste de quelques noms déjà de meufs avec qui il est sorti. On sait qu'il y a Ubix. Quand il se barre avec l'argent, il se trouve une meuf directe. Donc ça a l'air d'être un gars qui a souvent des nouvelles copines et tout. Et là, du coup, je trouvais que c'était intéressant de le voir un peu flirter, un peu être plus dans cet élément-là, plutôt que juste le gars en panique et en fuite. Il la rise, comme disent les jeunes. Cassian le Whistler. Je trouve qu'il utilise son charisme. Et puis ça fonctionne. Quand la façon, le langage corporel, la façon dont il se met près d'elle, les sourires qu'il lui fait, et aussi à un moment il lui fait au moins, peu importe ce qui se passe, ça aura valu le coup juste pour. Pour ce soir, tu sais, dans le sens être passé du temps ensemble. Ok. Alors moi, cette scène, je me suis beaucoup plus focus sur le fait qu'il essaye vraiment d'être rassurant avec elle et que il lui dit vous risquez tout, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement fort comme constat de sa part parce que il reconnaît que c'est dangereux, il reconnaît que c'est flippant pour les gens. Et il veut quand même avoir ce côté « je te dois quelque chose ». Ouais. C'est pas désintéressé complètement. Il est pas désintéressé des autres. C'est ça, plutôt que je veux. Oui, c'est ça. Il a la conviction, mais il a aussi toujours le cœur. C'est ça. Le truc avec Luthen, et comme il le dit, c'est qu'il a pas le choix. C'est pas qu'il en a rien à foutre des gens, c'est qu'il est obligé d'être la personne qui fait les choix difficiles pour que les autres aient pas à les faire. C'est tout son monologue dans la saison 1 où il dit va y avoir quelqu'un qui va devoir faire les choix stratégiques froids et trucs comme ça et c'est son boulot et en gros il le fait pour que les autres aient pas à le faire. Et d'ailleurs quand il en parle à Saul quand il lui dit l'Empire sait que les rebelles vont venir et donc ils vont les massacrer et qu'il lui dit je suis désolé que du coup tu dois que t'es à faire le choix parce que justement d'habitude je fais ce genre de choix moi pour pas que les autres aient à le faire. Mm-hmm. En tout cas ouais c'était une bonne façon de réintroduire le personnage et de voir la différence qui s'est passée parce que ça se passe en gros un an à plus tard, c'est je crois même le titre de l'épisode. Oui. Ouais. Un an plus tard. Et donc voilà, tout cet arc-là, il continue lorsqu'il arrive avec du coup le TIE Avenger, prototype de TIE Avenger, qu'il a volé. Il arrive sur une planète qui n'est pas nommée. Et le gars qui devait contacter, il s'est fait tuer par un groupe de ce qui se révèle être d'autres rebelles. Et non seulement ça, mais en plus, Ces rebelles-là, donc, ils n'ont pas vraiment de moyen de repartir, donc ils prennent Cassian en otage, ils refusent de l'écouter, ils s'en foutent, même quand il leur donne des exemples et des raisons de le croire. Tout au long de ces deux premiers épisodes, en gros, c'est juste... ils passent leur temps à se battre les uns contre les autres, à pas se mettre d'accord, alors qu'ils ont, ils ont juste à se mettre ensemble et partir et tout ça. Cassian, il leur propose même, si vous voulez, je vous aide à partir, mais ils sont trop omnibulés, trop concentrés sur le fait de comment ? Ils sont trop omnibulés par par leur qui baston, c'est le chef et qui c'est ça. Ouais, c'est vraiment un truc d'ego, un peu de non, mais c'est moi qui devrais être le sous-chef. C'est moi, enfin, tu sais, ils ont en plus, ils ont zéro instinct de survie. Hein. Ils sont là depuis 2 jours, il n'y a personne qui allait regarder s'ils pouvaient chasser ou faire de la cueillette ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment juste restés là à attendre tout penaud. Ouais, et bon, je sais pas vous, hein, mais. Moi, ça me rappelle c'est partout pareil, mais la gauche en France qui passe son temps à se mettre sur la gueule pour une raison ou pour un autre, pour rien, alors que t'as littéralement des putains de fachos qui sont de plus en plus en train de prendre le pouvoir dans toutes les institutions. Pour moi, voilà, c'est ça que cet arc-là représente. C'est le fait que il faut à un moment arrêter de mettre ce genre de broutilles comme si c'était les trucs les plus importants alors que ça ne l'est pas. Et l'union fait la force. Et il faut se bouger le cul, quoi. Faut pas attendre que ce soit trop tard, comme ils font eux. À la fin. Il décide, bon, ok, on va faire un pierre-feuille-ciseau de l'espace. Incroyable moment. Ok, celui qui gagne, ce sera le chef et tout. Ok, très bien, sauf que vous avez mis tellement longtemps à prendre cette décision qui est simple, ok, qui est même un peu puérile, parce que vous auriez juste pu ne pas avoir de chef et tous décider ensemble et faire des votes et des trucs comme ça. Bon, bref. Vous faites ça littéralement quand c'est la nuit et que vous savez très bien que la nuit, il y a les monstres qui sortent. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ils se font attaquer par un des monstres. Crétins, là. Ils sont trop cons. Et voilà, et du coup, bah, ils sont tellement stupides qu'ils se rendaient même pas compte que pas loin de là, il y avait des structures. Il y avait des trucs comme ça au lieu de rester dans leur coin. Ils ont même pas bougé. Ils ont même pas exploré les environs parce que pas très loin de eux, il y a des structures. Parce que quand Cassian s'en va, on nous révèle que la planète où ils étaient depuis le début, c'était Yavin 4 qui servira plus tard, évidemment, de base rebelle. D'où partiront les chasseurs pour détruire l'étoile noire. D'ailleurs, l'étoile de la mort. Petit big up aux caméras vachement coopératives qui prennent exactement le même plan que dans l'épisode 4. Bravo, elle. Vraiment. Alors, toi, tu disais que c'était la gauche en France. Moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, perso, ça m'a fait tout de suite penser aux communistes qui se foutent sur la gueule tout le temps. Oh ben non, ben c'est ça, c'est ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que ça fonctionne à plein de niveaux et c'est pas spécifique d'un truc et d'une époque. Mais c'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'influence sur la révolution bolchevique aussi, et des trucs comme ça, et les partis communistes. En même actuel, hein, absolument. On regarde... Les trotskistes, le parti saucisse qui se fout sur la gueule, les insoumis qui se foutent sur la gueule. Bref, je vais pas m'étaler parce que je vais m'énerver. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que, et oui, ils sont assez détestable et ridicule, mais en même temps, ben, quand tu prends un peu de recul, c'est exactement comme ça que tous ces mouvements qui, à la base, sont censés être faits pour unir et pour apporter quelque chose de mieux, ils partent complètement en sucette parce que les gens qui sont à la tête ou les trucs comme ça, ils peuvent pas se mettre... Ils acceptent pas d'être avec des gens qui ont quelques opinions qui diffèrent un peu, même si elles sont même pas mauvaises forcément, c'est juste elles sont différentes. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce thème-là ? Non, alors moi j'ai trouvé que c'était les scènes les un peu chiantes, si je peux me permettre. Parce que juste le fait qu'ils se bouffent le nez tout le temps, c'est chiant, quoi. Ouais, heureusement que ça dure que 2 épisodes ouais. Et que le 3e, il est parti. Parce que c'est vrai que ça aurait été un peu trop long, sinon. Moi, j'aime bien, en vrai, les moments... on en parlera un peu plus tard, peut-être, de ça, mais... La scène où, justement, ils sont chacun de leur côté, et ils se parlent entre eux, il y a des brouillards, donc ils peuvent pas se voir. Je trouvais qu'en termes de mise en scène... ça fonctionnait vraiment bien et cette espèce de tension, de guerre à petite échelle, à mon avis, ça fonctionne bien et ça fait du bien de le voir. Mm-hmm. Voilà. Il y a une vraie tension en plus. Ça faisait quand il, plus le mot en français. Dis-le en anglais. Quand ils sont entre. Je le trouve plus non plus. Ah, cool. Ramper. Oui. Ah, c'est ce que j'avais, mais je me disais, non, ça, c'est pas ça, ramper. Ah, si, bah, du coup, j'avais le mot. Quand ils rampent dans la gadoue, là, ça faisait très les tranchées, ce genre de truc aussi. Ça m'a pensé un peu à ça. Oui, il y a vraiment cette iconographie de guerre, de vieille guerre. Ouais, ça fait aussi guerre civile, guérilla, genre de truc. Voilà, c'est ça. Maquis, machin, tout ça. Mais guerre un peu sale. Comme si la guerre, c'était propre. ensuite, un autre que moi, j'ai noté, mais c'est un qui va assez vite, en vrai, même si il prend 3 épisodes à se mettre en place, mais c'est tout le côté Mon Mothma et les sacrifices, parce que justement, on a déjà parlé de tous les sacrifices que Luthen fait lui-même pour au service des autres aussi, et au service de la rébellion en général. Mon Mothma, elle les a repoussés du plus qu'elle pouvait, mais là, elle est en plein dedans. Elle est en train de vendre sa fille pour pouvoir fonder... pour pouvoir, comment dire... Pas fonder, mais financer sa rébellion. Tay revient, mais pas du tout de la manière dont on pensait. Et c'est intéressant parce que dans la saison 1, au début, tu te dis, bon, lui, il va la trahir. Obligé, je veux dire... C'est sûr. Et puis au final, tout au long de la saison 1, il prouve à chaque fois que non, c'est un bon gars. Et puis là, il arrive, il est bourré. En plein divorce. En plein, ouais. En plein divorce, ouais. Et c'est là que tu sens que ça part en couille. Ce revirement de Tay Coleman. Est-ce que ça vous a surpris ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, je sais pas, moi je m'y attendais un peu, donc pas surprise pour le coup. Moi je pensais pas du tout que ça irait en cette direction, mais ça me surprend pas parce que c'est plutôt réaliste. et au début j'ai cru, j'avais pas compris tout de suite qu'il lui demandait juste du fric. Je croyais qu'il demandait beaucoup plus et j'étais en mode oh non. mais non, c'était juste j'ai un peu aidé, hein. Je peux avoir peut-être un peu d'argent. Et du coup, mais je trouvais ça intéressant par rapport au fait que quand, dans la saison 1, il fait peut-être que ma politique est un petit peu trop forte à ton goût, si on en parle. Et du coup, j'adore comment ça nous faisait penser que peut-être qu'il est, il est aussi de gauche, tu vois, peut-être qu'il est aussi un peu rebelle et tout. Et au final, non. Soit il est complètement centre. Et comme la politique est d'extrême droite, c'est un peu trop à gauche pour la plupart des gens, soit il est complètement à droite. Et, mais ouais, du coup, c'était rigolo le truc. Bah, pour le coup, c'est surtout, il le dit pleinement, c'est que ça, la rébellion, elle a commencé à avoir des effets négatifs sur lui, sur sa vie, sur ses commerces et tout ça. Et puis, ouais, et aussi, je pense que ça montre à quel point il est pas super fut-fut non plus, parce que je pense qu'il a absolument pas grillé que Mon Mothma, elle bosse avec la rébellion. Ah, clairement. Parce que dans la façon dont il disait « Oh, la rébellion, elle a eu un effet sur mon truc », je pense qu'il était vraiment en mode juste... Ouais, ouais, premier degré, bon, bah, il y a tous ces trucs-là qui arrivent, donc, bah, mes services vont coûter un peu plus cher. Et je pense qu'il a absolument pas grillé qu'elle bossait pour la rébellion, parce que sinon, il pourrait carrément lui faire du chantage et la faire. Mais c'est ce qu'il fait. Il fait pas le chantage par rapport à la rébellion. Il fait le chantage par rapport au fait qu'il l'a aidé à cacher des transactions financières cheloues. Mais il sait pas pourquoi elles sont. Moi, je pense qu'il a pas grillé du tout pourquoi. Son argent, je pense qu'il pense qu'elle détourne juste des fonds, tu sais, comme les gens qui ont les Panama Papers et les trucs comme ça. Parce qu'il sait bien que la fondation, c'est juste une façade pour qu'elle puisse prendre du fric, mais je pense qu'il pense qu'elle utilise l'argent pour son gain personnel, c'est tout. Pour moi, il a pas du tout grillé le truc, mais eux, ils savent que ça... S'ils commencent à faire du chantage sur les détournements d'argent... Et qu'après, il commence à foutre son nez dedans, là, il pourrait voir, en fait, à quoi ça sert. Mmh. C'est un peu les moments qui m'intéressent le moins dans la série, je vous avoue. Les moments avec Mon Mothma et la bourgeoisie. C'est intéressant, mais moi, c'est pas ce qui me passionne le plus. Ben moi, j'aime bien parce que, justement, tu vois comment elle se rend compte que ben va falloir te salir les mains aussi, en fait. Tu peux pas juste être caché dans ta petite tour, juste donner de l'argent et faire comme de rien n'était. Tu vas être en plein milieu du truc aussi. Et je trouve ça aussi intéressant de voir comment elle navigue ça et l'impact sur sa famille, etc. Bref, tout ça, évidemment, ça évolue au fil de la... des trois épisodes pour arriver jusqu'au moment où, évidemment, il n'y a plus vraiment le choix. Il va faire... Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment... Il sait que c'est par rapport à la rébellion, parce que si c'était juste une histoire de petite compensation par rapport à ces trucs-là, il pourrait le payer tout simplement et s'en débarrasser facilement. Mais il en sait trop. C'est pour ça qu'ils doivent le tuer. Et Mon Mothma laisse le Fen faire son devoir à la fin des trois épisodes. Et elle part en full mental breakdown à danser. Et j'ai trouvé ça très rigolo, le fait que... Enfin, tout est impliqué, évidemment, ils le disent pas directement, mais à la seconde où tu vois qui l'attend avec son vaisseau, avec son speeder, là, pour le récupérer, tu sais exactement ce qui va se passer, c'est l'ange de la mort de Star Wars. Les gens ont peur de Dark Vador, attendez, qui découvre celle-là. Mais dans dans tout cet arc-là du mariage, il y a aussi un moment qui est assez important quand Perrin, le mari de Mon, fait tout son discours sur le... Bref, son discours hédonistique et le fait que la vie, c'est déjà assez dur, alors trouver de la joie... Dans les petits moments, dans tous les moments où vous pouvez et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi... Il n'a pas totalement tort dans le sens où c'est important d'essayer de trouver de la joie dès que tu le peux. Mais pour lui, c'est ça. Mais en même temps, s'absoudre de toute responsabilité. Alors que de l'autre côté, tu as... Mand qui, elle, fait complètement l'inverse, où elle est à fond dans ses responsabilités et ne prend pas vraiment le temps de vivre. Et ça a créé un rift entre eux, alors qu'il y a plusieurs scènes où tu les vois discuter, où il y a... Enfin, pour moi, il y a clairement... Il y aurait clairement de l'affection entre eux si les circonstances étaient différentes. Si les deux étaient... apprenaient un peu plus de l'autre, dans le sens où si lui, il était un peu moins comment dire, carefree, à sympathiser avec des gars qui sont littéralement dans le cercle privé de Palpatine. Bon, ok. Et d'avoir un peu plus de responsabilité, mais c'est important. Et il y a une balance à trouver entre s'occuper de soi-même et s'occuper du reste du monde. Ce qui n'est pas ce que lui prône, mais ce qui est, je pense, il permet de se rappeler que oui, même si le monde, il est dur, même si se rebeller, c'est difficile et c'est important et ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de temps, il ne faut pas oublier aussi que si on fait ça, c'est pour aussi vivre. Et si tu ne prends pas le temps de vivre, bah ça... quel est l'intérêt? Aussi. Alors, toi, tu vois ça comme ça. Moi, j'ai trouvé que son discours, c'était très... Comment dire? Le discours de bourgeois classique sous l'occupation. C'est genre... Bah, moi, ça me touche pas trop, alors bah, je peux quand même profiter, quoi. Ceux qui sont en bas de l'échelle... C'est ce que je dis. Ah, lui, oui. Il le voit comme ça. Moi, je le vois que comme ça, son discours. Là, pour moi, ça, il a été écrit comme ça. C'est... Mais après, je suis assez d'accord avec, ouais. Avec ton truc, c'est que si tu bûches que dans la merde tout le temps, il y a un moment tu t'arriveras plus à t'occuper correctement de tes autres et de toi-même. Donc Oui, non, j'ai pas dit que lui. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il est dans le côté. Il faut pas se perdre non plus dans ses combats. Mais c'est pas ça qu'il dit, lui. Oui. C'est juste quelque chose que je dis. Dans son truc, qui, lui, c'est juste « Oh là là, YOLO hein. !» qui est bête comme ses pieds. On peut quand même prendre des petits bouts de ce qu'il dit et se dire « C'est vrai que on n'est pas obligé d'être misérable tout le temps. » Même si le monde essaye de nous faire sentir misérables tout le temps. Tu vois. Ah si. En attendant, in the rich. Tu dis aussi, il y a de l'affection entre eux. Il y a un moment où il est clairement jaloux de la possible relation qu'elle aurait avec Tay. Et j'ai l'impression que moi, Mod, ça la faisait chier, quoi. Genre, elle a super mal pris dans le sens où... Enfin, pour moi, elle ne l'aime plus, quoi. Elle a peut-être aimé un moment, mais elle l'aime plus, quoi. Je pense qu'elle l'a jamais aimé. Elle le dit, hein. Quand elle parle à sa fille avant ouais, la cérémonie. C'est vrai que c'est sous-entendu que. Ouais, ma mère, elle m'a mis dans cette position quand j'avais ton âge. J'en ai voulu toute ma vie. Vraiment, je n'avais pas envie de ça. Je pense qu'elle aime pas son mari. Elle le déteste. Et encore plus maintenant. Avant, elle le tolérait parce qu'ils élevaient leur gamine ensemble et que voilà. Maintenant que voilà, elle est partie en mode full rebelle et puis que sa fille en plus se marie. Enfin, c'est la pire période dans sa vie à mon avis à Mon Mothma. Et je pense qu'elle déteste son mari. Bah, je pense qu'elle s'en passe. Ouais, qu'elle s'en passerait bien quoi. C'est. Ouais. Mais surtout que là, plus ça va, plus leurs opinions politiques. Divers, bah oui. Et tous divergent, donc c'est de plus en plus dur. Mais ils ont des moments qui sont... ils ont vraiment les moments de gens oui, mariés, sont... tu sais, où ça se tease l'un l'autre, où ça fait des petites blagues, et ça connaît l'autre tellement bien. Enfin, on sait que lui, il connaît oui, pas si bien ça, mais... elle montre une... Voilà. Qui montre un groupe rebelle. Qui sont capables de se lancer des petites piques et de... d'avoir des moments touchants malgré tout. Et je suis d'accord que s'il n'y avait pas toute la situation politique, ils auraient pu avoir une relation où ils s'appréciaient plus. Je pense que ce qui fait que la relation est comme ça, c'est parce que ben plus ça, c'était déjà un truc forcé de base, mais en plus avec toutes les sa carrière à elle et toutes leurs divergences d'opinions, de relations et de trucs comme ça, ça a juste fait que le truc allait de plus en plus en se séparant. Alors que s'ils n'avaient pas eu tout l'aspect politique et tout, je pense qu'ils auraient pu être juste un couple qui disait. Ils divorcent pas malgré tout. Ouais, tu sais, parce qu'ils ont vraiment des petits moments, je suis d'accord avec Gru pour ça, ils ont vraiment des moments par moment où tu vois qu'ils arrivent à se faire sourire l'un l'autre avec leurs petites piques et leurs petits trucs comme ça, et ça, ils ont une certaine complicité, mais ouais, il n'y a pas d'amour dans leur mariage, je pense, par contre. Vraiment juste peut-être une amitié ou juste l'habitude de... ce genre d'un peu d'intimité qu'ils ont. Oui, c'est un mariage de bourgeois pour que la thune reste entre eux, quoi. C'est... Ouais, et puis, je veux dire, au bout d'un moment, quand t'élèves ensemble une gamine pendant 13 ans, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a un peu de complicité dans le couple, quoi. Peu importe les sentiments. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment élevé leur gamine, tu vois? Ouais, je sais pas. Ah ouais, bah bonne question. Parce que ça, tiens. Mon, elle avait sa carrière. Ouais. Hein? Le père, Perrine, il a l'air d'être aux fraises, quand même, un peu. Leur gamine, elle a pas l'air de les aimer, quoi. Ils ont pas l'air de connaître leur gamine, en fait. Pour moi, la gamine, enfin, en tout cas, dans ce qu'on voyait dans la saison 1, elle passe plus de temps avec le père. Elle est beaucoup plus proche du père. Clairement, il a l'air beaucoup plus du genre à laisser faire, tu vois, genre un peu bourre, pas vraiment, et alors que Mann allait plus sur les mettre les limites, mettre les règles, etc., et est beaucoup plus strict là-dessus, et lui il est beaucoup plus avec son discours, je disais, sur l'hédonisme et tout ça. Je pense qu'il est, et du coup je pense que avec Mothma, c'est deux parents qui sont clairement absents mais de façon différente. Le Mothma, c'est parce qu'elle est tellement sur sa carrière et tout qu'elle n'est pas souvent là. Et quand elle est là, ben, elle s'occupe de sa famille comme elle s'occupe de politique ou d'un business. Et lui, le père, je pense que c'est parce qu'il est juste en train de... Elle le dit à un moment qu'il faisait des paris, qu'il faisait beaucoup de jeux et trucs comme ça. Je pense que lui, il n'est pas là dans le sens où, émotionnellement, c'est pas quelqu'un qui cherche à établir... beaucoup d'intimité et de relations profondes avec les gens autour de lui. Il est vraiment juste je prends ce qui vient et puis je m'amuse et je profite de ma vie comme ça vient au jour le jour. Et du coup, et je pense que la gamine, elle a pas de relations profondes avec aucun des deux parce qu'ils sont tous les deux pas disponibles émotionnellement. Et du coup, elle est négligée de façon très différente par l'un et l'autre. Moi, je me demande, enfin, je me rappelle plus trop de la saison 1, mais tu vois, enfin, Mon, elle a clairement vendu sa gamine, mais il y avait quand même ce côté où Leïda, elle a l'air d'avoir envie de se marier, comme ça. Ouais. Bah oui. Ouais. Parce qu'elle est conne. Je suis désolée, je la déteste. Mais on a re-regardé la saison 1 et c'est Leïda qui demande à faire partie de leur culte, religion, culture, peu importe, mm-hmm. et qui commence à suivre des cours religieux et trucs comme ça, et qui est à fond là-dedans. Le père est en mode « je m'en fous », comme d'habitude. Et Mann est super horrifié par ça, sa cousine aussi. Et ensuite, quand le gars propose « Hey, ils pourraient se rencontrer, nos enfants, et peut-être que ça pourrait mener quelque part », Mon Mothma, elle dit non direct, elle est super horrifiée. Mais c'est pile poil au moment où sa fille est en mode « Mais moi, je veux faire tout comme dans notre culture et me marier à cet âge-là et suivre les préceptes de les traditions comme elles étaient. » Et du coup, bah, ça tombe pile poil au bon moment. Et c'est pour ça que... Bah, je pense que si sa fille avait pas été autant à fond dans les traditions, elle aurait pas hésité. Elle aurait fait « ouais, bah non ». Mais là, comme en plus, bah, ça tombait bien, la fille, elle est un peu dans, à fond dans les traditions. Bon, bah. Mais c'est pour ça qu'elle lui dit. Qu'elle lui donne la possibilité de d'annuler le mariage et tout, parce que. Elle est horrifiée d'avoir fait ce choix-là, elle est horrifiée que ça se passe comme ça. Mais la gamine, elle est en mode. Bah non, c'est nos traditions. Le plus drôle, c'est qu'elle n'a pas promis de marier sa fille. Elle a la seule raison pour laquelle l'autre a aidé, la seule promesse qu'elle avait faite, c'était de faire se rencontrer les enfants. Ouais. Et du coup, tout ça revient dans justement le fait du thème du sacrifice, parce que Leda elle-même, elle est en train, sans s'en rendre compte, de sacrifier toute sa vie. Juste parce que c'est une. Parce qu'elle est conne. Elle est con comme une chaise. Après, elle a 14 ans. Et elle a pas. Oui, elle a 14 ans. J'ai bossé avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de 14 ans. C'est une connasse. Je me dis, je suis désolé. mais en même temps, c'est normal. C'est le problème des riches, c'est que Mon Mothma et Perrine, et d'ailleurs. On peut faire le même argument pour Leia. C'est des parents complètement absents. On s'en fout qu'ils aiment leurs enfants ou pas, parce que de toute façon, ça compte pas vraiment, parce qu'ils sont même pas là pour eux. Et du coup, bah, les enfants, ils cherchent une appartenance autre part, et Leda, elle s'est mise en tête d'être une tradwife, en fait, tout simplement. Et au final, est-ce que c'est pas vachement actuel aussi comme truc? Et puis, à la seconde où elle se rend compte que, bah non, vous êtes des enfants, le gars, il est encore plus jeune que toi, je crois. Il a deux ans de moins qu'elle, je crois. Son mari. Ouais, c'est ça. Eh ben non, il est complètement immature. Et guess what? Ouais. Toi aussi. Et le truc, c'est que malgré tout ça, eh ben, elle reste quand même à dire des saloperies à sa mère. Parce que même si, franchement, Mothma, elle avait rien à dire à ce moment-là. C'était out of line. Ah bah c'était vraiment pour se donner bonne conscience. C'est trop tard. Pour moi, c'était ça. Je pense qu'elle regrettait vraiment. Oui, mais ça lui permet à elle de se donner bonne conscience. Oui, mais c'est aussi pour se donner bonne conscience. Et c'est aussi ce truc de mère qui te vole ton moment. Ouais. Et ce truc de ma mère, elle a ruiné mon mariage dans cette pièce. Laisse-moi faire pareil. On garde les traditions. C'est ça. Et au final, je pense que c'est grâce à ça que du coup, Mon, elle accepte plus tard, beaucoup plus facilement, le fait de devoir sacrifier Tai aussi, parce que c'est fini. Elle a sacrifié sa famille au fil de toutes ces années pour la rébellion. Et il n'y a pas de retour arrière, c'est fini. Et en vain en plus, hein, du coup. A priori, en vain. Ça va rien lui apporter, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc au final. Elle va devenir chancelière quand même dans genre 10 ans. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est à cause de. Est-ce que c'est à cause de ce choix Tu vois? Bah de tous les choix, tous les choix. De quoi tu parles, du mariage qui Du mariage, je parle du mariage, ouais. Bah non, le mariage lui donne en gros, c'est pour avoir des comptes en Suisse. Et voilà. Le gouvernement ne vient pas foutre son nez dedans. Ouais. Donc ça apporte la liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut avec son argent et du coup de financer la rébellion, ce qui est extrêmement important. Oui. Et c'est aussi ce que la série aborde. Vraiment bien, et c'est tout ce truc de, ben, des fois, pour faire... c'est à quel point t'es prêt à faire des choses pas bien pour le greater good, pour le bien de tous. Avec Luthen qui prend tous les choix les plus durs, elle qui fait toutes ces magouilles de corruption et tout, et ça explore beaucoup ces thèmes de... à quel moment est-ce que c'est légitime de faire ce genre de truc et quels sont les mots nécessaires. Ce que j'entendais par en vain, c'est qu'en fait, on sait pas se passer pour les comptes, justement, au niveau de l'argent, au niveau de... Bah, le mariage est pour sceller le fait que elle est protégée. Mais donc c'est tout. Ouais. Est-ce que ça va marcher, quoi? Tu vois? Ah oui, absolument. C'est le mariage qui... C'est la signature du contrat, tu vois. C'est le seal the deal. Et c'est pour ça que c'est un arc. L'arc, là, de truc de l'argent, il se finit dans ces trois épisodes. Et là, on va commencer son nouvel arc. Et je pense qu'il y aura plus cette question des comptes, parce que c'était cet arc, spécifiquement. Mm-hmm. Bah, je trouve que dans la scène où, justement, au moment où Leïda lui dit « J'aurais préféré que tu sois bourré », le moment où Mon, elle se recule, elle met le voile et elle change tout de suite de ton, tu sens que c'est fini, là. C'est... Ouais. Bah oui. Et cette scène, vraiment, ça m'a glacé le sang, ce moment-là. Ah ouais, c'est... Ouais. Et c'est horrible parce que c'était aussi mérité, genre, tu fous pas toute ton angoisse comme ça sur ta fille au milieu de tout. Et oui, tu peux dire qu'elle voulait sauver sa fille et tout, etc., mais ben... Elle a fait son choix et c'est pas le moment de lui dire ça. C'est trop tard. Fallait lui dire ça avant que les deux jours complets de pilgrimage là pour son mariage. Ah, complètement. Mm-hmm. Ouais. Et je suis d'accord que c'est aussi une façon de se donner bonne confiance en mode j'aurais essayé, tu vois. Donc elle a fait son choix, donc maintenant je peux me dire que c'est bon. C'est j'ai pas à me sentir coupable pour ça parce que c'est sa décision maintenant. Alors que si elle voulait vraiment faire les choses bien, elle aurait jamais accepté le mariage. Et c'est vraiment cette tentative de se déculpabiliser en mode non, c'est bon maintenant. C'est sa décision, je lui ai donné le choix, elle l'a pas pris et du coup c'est bon, j'ai plus besoin de me sentir mal pour ça. Bon choix de merde. Ce qui va pas marcher, elle va se sentir coupable toute sa vie, je pense. En fait, je pense que le thème principal au final de tout cet arc, c'est de nous rappeler que les riches ne sont pas à être considérés comme des êtres humains. Même si, en comptant bien évidemment, et désolé, Maddy, les mille, hein, même elle, non, oui, même elle, Maddy, non. Je suis triste maintenant. Leïda, c'est un peu tout l'inverse de Leïa. Elles doivent avoir à peu près le même âge en plus. Et c'est rigolo de... T'as vraiment la brate et la rebelle, quoi. Oui, c'est vrai. Alors qu'elles sont toutes les deux giga bourgeoises, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais pour dans la vraie vie, pour une Leïa, t'as 1 milliard de Leïda. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Leïa, elle est exceptionnelle. Leïda, elle ne l'est absolument pas. Et ben, Leïa, elle a aussi été élevée par une personne qui était rebelle soi-même et qui, du coup, lui a bien éduqué sur les politiques. Ouais, mais Mon Mothma, elle n'a pas dû l'éduquer. Ben oui, mais Mon Mothma, elle n'a pas impliqué sa famille. Bah, c'est ça. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas faire confiance à son mari, et à cause de sa position politique et tout, et comme Maddy disait, ils ont pas élevé la gamine, elle a dû être avec des tuteurs et des trucs privés et tout, et Mon Mothma, elle était pas là pour faire l'éducation, alors que papa de Leïa, là, j'ai oublié son nom. Et maman Papa et maman de Leïa, eux, c'était des bourges-bourges qui devaient pas vraiment avoir un boulot, et du coup, c'est eux qui ont fait l'éducation de Leïa. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle a son truc politique où elle doit se battre tous les jours pour rester là. Et ce truc. Alors que eux, ils ont un peu plus la vie plus tranquille de bon, on peut demander aux autres de faire ça pour nous. On le voit d'ailleurs dans Obi-Wan Kenobi. Hein, Leïa a eu une enfance à part cet épisode justement qui se passe dans Obi-Wan Kenobi. Leïa a une très bonne relation avec ses parents et c'est pas étonnant que... Ouais. Tu vois, elle, c'est pas une connasse. Ouais, oui, oui. Je plaisante. Je plaisante. Mais parce qu'en même temps, voilà, Mon Mothma, ça doit pas être une très bonne mère, quoi. Bah, c'est tout le... Enfin, on l'a vu, hein. C'est tout le propos. Tout le propos, ouais. Je pense que tous les chandrilins traditionnels du truc sont nuls à chier niveau parentalité, surtout les riches, parce que clairement, ils s'occupent pas de leurs enfants et ils ont leurs traditions et leurs trucs. Ceci dit, ouais. Banger de musique pour leur fête. Hein. Ouais. Ah ouais. Les Daft Punk. Ah ouais. La boule Daft Punk. Là. Les Daft Punk à Niamos. C'est une émission de télé-réalité. C'est comme les Marseillais, mais là, c'est les Daft Punk. ok. Est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite? Let's go. Oui. On va... Maintenant qu'on a parlé des trucs fun, on va parler des trucs moins fun. L'autre chose qui est très importante, je trouve, au fil de ces trois épisodes, et je pense qu'on va voir tout au long de la série, de la saison, c'est évidemment d'être en plein... C'était progressif dans la première saison, mais là, on est en plein dans comment c'est de vivre sous un régime impérial. Alors déjà, je voudrais faire un petit truc, parce que ça, j'arrivais pas vraiment à le mettre, une petite parenthèse, parce que j'arrivais pas vraiment à le mettre dans aucun des thèmes, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. La première scène impériale avec, du coup, le retour du mec qui aime se faire étrangler, le directeur clinique, qui nous fait, oui, clairement, une référence à la conférence de Wannsee. Wannsee, conférence qui en réalité avait lieu à Berlin en plein donc bon pas dans la montagne et tout, mais il y avait des châteaux comme ça qui ont servi qui était assez important. Je me souviens plus, j'avais vu des photos d'inspiration justement de l'endroit où ils sont, qui appartenait au régime nazi. Et qu'est-ce que c'était la Wannsee Conference? Donc, le 20 janvier 1942, 15 hauts responsables du Troisième Reich, délégués des ministères du parti ou de la SS, se sont réunis dans la Villa Marlier à Berlin pour mettre au point l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale de la question juive. Donc, on commence directement avec un truc similaire où on vous dit « Oh, regardez ces gens-là, les Français, là !» ils font de la soie et tout ça, ils ont leurs araignées cheloues et tout ça, mais il y a aussi une ressource très précieuse sur leur planète une ressource très précieuse sur leur planète, mais si on veut tout prendre, ça va faire un oupsie, ça pourrait détruire la planète, alors c'est pas très gentil, mais évidemment, c'est plus important que la vie de tous les gens qui habitent ici, voilà. Et je trouve ça intéressant parce que c'est le truc habituel des états impériaux et tout ça au fil de l'histoire, mais qu'on a beaucoup vu à l'ère moderne avec les Américains, de dire « Oh, mais il y a des ressources là-bas, va falloir qu'on aille tuer tout le monde. » Vous savez, les fameux trucs, l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan, tout ça. Tout ça, c'est pour le côté un peu plus récent, évidemment, mais on est vraiment en plein dedans. et voilà, tout simplement pour rappeler, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont oublié, encore une fois, que les méchants, c'est des méchants. Il y a eu beaucoup de débats, parce que les méchants font des trucs de méchants dans la série. Mais regardez, ils sont prêts à faire un génocide Et le fait qu'il en parle de manière si casual, je sais pas comment on dit. Désinvolte. De manière aussi désinvolte, je pense que c'est très réaliste. Je veux dire, on les voit parler de ce genre de trucs-là, même en France, d'horreur, comme si c'était trois fois rien. Donc voilà, ça c'était un petit truc que j'arrivais pas forcément à mettre dans aucun des thèmes, mais je trouvais ça intéressant. Et encore une fois, quand on... c'est bien qu'il soit beaucoup moins... comment dire, subtil. On n'a pas besoin de subtilité, des fois. Non, pas de nos jours, vu comment les gens votent et tout. Je pense qu'on n'a plus besoin de subtilité. Clairement. Voilà. J'ai une petite anecdote. La conférence de Wannsee, là, je sais pas. Je sais pas comment on prononce vraiment. Wannsee. La conférence de Wannsee, elle a été. Elle a inspiré donc le film de 2001, Conspiracy, peut-être que vous connaissez. Un film avec Kenneth Branagh et Stanley Tucci. Mais aussi Colin Firth, tout ça. Et Conspiracy a connu une adaptation. Enfin, une adaptation. A connu une réécriture à la Star Wars dans. Le fan film qui est sorti en 2002, je crois, Conspiracy, alors moi j'ai essayé de le retrouver il y a quelques années, mais j'ai jamais réussi à le retrouver en entier. Donc voilà, la conférence de Wannsee dans Star Wars, vous l'avez d'abord vu dans un fan film. Voilà. Mais c'est super intéressant parce que ça prouve que, tu vois, tous les fans de Star Wars sont pas complètement cons. Il y en a qui s'en rendent compte. Bien sûr. Et depuis très longtemps. Oui, évidemment. Mm-hmm. C'est juste qu'il y en a tellement qui crient très fort et tout que des fois on oublie. Ah ben, on a très bien vu qu'il y avait des gens qui comprenaient pas ce que Tony Gilroy écrivait. Donc, heureusement que c'est pas subtil. Franchement, heureusement que c'est pas subtil. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de la subtilité. Ouais. De toute façon, j'ai envie de vous dire, le monde, il est tellement devenu horrible que la subtilité, à mon avis, ça fonctionnerait même pas. Aujourd'hui. Non, bah non, on sait que ça fonctionne pas. Ouais. Regarde, la trilogie originale, elle était déjà trop subtile pour la plupart d'entre nous. La prélogie, c'était trop subtil. Donc oui. Oui, oui. Et il y a d'autres choses qui se passent, du coup, durant l'arc un petit peu de vivre sous l'Empire qui sont... Et un truc qu'ils font, c'est qu'ils disent les mots, par exemple. On retrouve, évidemment, du coup, dans ces trois épisodes, ceux qui ont réussi à s'échapper de Férix à la fin... pas tous, mais la plupart de ceux qui ont pu s'échapper de Férix à la fin de la première saison, dont, évidemment, Bix, notamment Bix et Brasso. Et ils sont clairement appelés des réfugiés. Enfin, je ne sais pas en VF comment ils l'ont traduit, mais en anglais, c'est littéralement, voilà, ce sont des réfugiés, ce sont des, enfin, des sans-papiers. c'est dit pleinement. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne chose parce que, bah oui, les réfugiés dans, enfin, c'est un gros sujet de discussion dans la vraie vie. Et le fait de montrer des gens, de les qualifier de réfugiés et que c'est des gens qui sont vus de manière absolument positive, c'est très important. Surtout pour un gros média comme Star Wars, Disney, tout ça. Ouais. Qui, eux, aiment bien financer les gens qui attaquent les réfugiés. C'est les héros, quoi, en plus, quoi, littéralement. Encore une fois... Voilà, c'est les héros. Aucune subtilité, et thank God, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, ça, c'était un des trucs dont je voulais parler. Le truc que je trouve qui est très réussi aussi dans cet arc-là, c'est que techniquement, l'Empire, il arrive là sur la planète et ils viennent juste pour faire un... ils viennent juste checker des trucs. Techniquement, c'est pas censé être quelque chose de... d'exceptionnel. C'est une inspection qui a lieu tous les 10 ans, je crois, ou un truc comme ça. Mais rien que avoir une inspection des papiers comme ça, ça cause tellement de problèmes à tellement de monde, parce que les gens qui sont là, les fermiers et tout, ils ont besoin de la main d'œuvre, et ils ont besoin de la main d'œuvre non sans papier, non documentée. Et ils sont... C'est vraiment bien qu'on ait un truc comme ça qui montre que les travailleurs sans papier, ils sont essentiels. Parce que ils vont être là et ils vont contribuer à des trucs super importants comme travailler dans les champs, ce qui est franchement beaucoup plus important que travailler à la police, par exemple. Hein, la police, l'armée et tout, qui bouffe le budget de tous les états du monde, et qu'on laisse crever les agriculteurs, l'éducation et tout ça à côté. Là, on nous montre, les gentils, c'est des gens qui font des travaux essentiels, et il n'y a que les connards de bureaucrates qui viennent foutre la merde comme ça. Bref. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez... courageux, je vais pas dire courageux, je trouve pas vraiment de mots, mais voilà, c'est bien, c'est nécessaire dans Star Wars, c'est nécessaire dans le monde actuel, et le fait que ce soit dit de manière claire et nette, c'est aussi très important. Et d'ailleurs, ouais, je trouve qu'un truc que la série fait très bien, c'est de rendre l'Empire réellement flippant. Que, d'habitude, ils le sont pas vraiment. Enfin, je sais pas vous, mais... c'est genre, d'habitude, c'est les méchants. L'Empire. Mais genre, même quand ils détruisent Alderaan, c'est des méchants, donc forcément. Mais là, c'est tellement plus personnel, c'est tellement plus à échelle humaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je savais que t'allais le dire, parce que c'est tellement un truc que tu dirais. mais c'est vrai, parce que d'habitude, c'est des trucs tellement impersonnels, genre ils ont détruit une planète. Absolument. Ouais. Je pense que c'est pour ça que c'est plus... C'est un truc dont on a déjà parlé avant, c'est que les gens, ils vont dire « Oh là là, mais Kylo Ren et Dark Vador, ils ont des rédemptions et tout, alors qu'ils ont tué des gens. » Ouais, mais c'est complètement impersonnel. Ce Star Wars-là, le Star Wars où il y a des rédemptions et tout, la plupart du temps, c'est parce que c'est plus du côté fantasy de Star Wars. Là, on est vraiment dans le côté... personnel, fasciste. Réel, fasciste, la rébellion, et même dans Star Wars Rebels, c'était pas vraiment montré, parce que déjà c'était pour les plus jeunes, mais aussi c'était encore une fois avec pas mal de personnages qui sont haut en couleur, on va dire. En fait, c'est ça, les autres... Les autres séries, films, Star Wars, c'est plus sur le des personnages et leur histoire propre et leur relation et leur développement. C'est plus sur le voyage du héros. Alors que Andor, c'est pas une série sur Cassian. On sait comment il finit. C'est une série sur la montée du fascisme, l'effet du fascisme sur tout le monde, sur chaque planète, sur chaque élément de la chaîne, de la société, ou tu vois ce que je veux dire, sur chaque à quel point c'est horrible pour absolument tout, et c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus sur la politique et l'impact et le quotidien sous un empire que sur des caractères que sur des personnages eux-mêmes. C'est pas une série qui se focalise sur l'histoire des personnages et on a notre petit héros qu'on suit, c'est quelque chose qui dit ok, il y a ces personnages, mais ils font tous partie de ce truc. Et c'est surtout une étude, c'est plutôt une série sur une étude politique et ce genre de choses que les autres qui sont, comme tu disais, plus fantasy et plus sur classique conte de fées où t'as ton héros et t'as son point de départ et son arrivée et tout. Et ici, c'est pas le sujet. Mmh. Et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup plus cet impact personnel et effrayant, parce que c'est comme ça dans la vraie vie aussi que ça se passe, mmh. que ça s'est passé, que c'est en train de se passer. Et donc, c'est beaucoup plus effrayant parce que tu sais que c'est... Tu le vis aussi. Mmh. C'est sûr que c'est contemporain. Ouais, et c'est aussi ouais. pour ça que c'est important qu'il y ait pas... qu'ils aient pas mis de Jedi ou, de trucs comme... ou d'aspect trop fantasy comme ça, ou de magie et tout, parce que ça te montre que ben, t'as pas de solution miracle de quelqu'un qui peut soulever des cailloux et sauve toute la galaxie. C'est chaque action des gens peut faire une différence. D'ailleurs, je dirais que ça, c'est un des trucs principaux. Je suis désolé. Mais dans la postlogie, un truc que je trouvais qui était très fort et qui a été un peu... retiré par le dernier film, c'est le courage qui était manifesté par Finn, par exemple, qui lui était un gars lambda. C'était lui le gars lambda dans cette trilogie là, et le fait que dès le premier film, il était prêt à faire des trucs héroïques juste pour défendre les gens autour de lui, et ensuite qu'il apprend à vraiment devenir un rebelle, je trouvais ça très intéressant, et je trouve ça vraiment dommage que tous les choix qu'il avait faits sont un peu retcon par la suite, par le fait de « Oh ben non, t'avais la force », parce que c'est pas nécessaire, ça rend le personnage moins intéressant que... Là, c'est que des gens normaux. T'as quelqu'un comme Brasso qui, jusqu'au bout, fait constamment le bon choix et qui n'a pas peur des conséquences, qui va toujours en première ligne pour confronter l'Empire, même là à la fin, qui fait semblant de vouloir se battre avec le gars qui les a accueillis pour retirer les soupçons que pourraient avoir les officiers de l'Empire envers lui et tout. Et tu vois, là, Brasso, et ben on va pas dire « Ben non, il a fait ces choix-là parce qu'il a ressenti la force. » Ben non, c'est con, ça n'a aucun sens. C'était juste quelqu'un de bien qui était héroïque, et pas de manière grandiloquente, mais de manière quand même impactante. Ouais, et c'est un truc qui est super important, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ou à voir, c'est que être un rebelle, c'est pas... juste faire des grosses actions et sauter dans un vaisseau et faire exploser des vaisseaux de méchants, tu vois. C'est chaque acte, chaque action envers la communauté et envers aider les autres. Et surtout dans un état, dans une société fasciste, capitaliste et tout comme on a, le meilleur acte de rébellion, c'est la communauté. C'est de tendre la main aux autres, c'est d'être gentil et d'en avoir quelque chose à faire des autres. Et c'est tout simple, ça demande pas d'effort. C'est déjà assez, c'est déjà suffisant, parce que tout le monde n'a pas la capacité de se battre avec des armes ou de s'engager en politique ou de faire des grosses actions flamboyantes ou qui ont un impact plus visuel. La rébellion, ça commence sur aider les autres. Et créer une communauté d'entraide qui se soutient contre tout. Et c'est, j'aime bien que tu aies parlé de Finn et de ça aussi et tout, parce que Bah ouais, parce que justement ça, t'as pas besoin d'avoir un pouvoir spécial ou quoi que ce soit pour faire un acte de rébellion et pour faire des choses qui ont de l'importance comme prendre soin des autres. Et aussi, c'est un truc dont j'avais discuté avec les gens, c'est que t'as des choix à faire. Et c'est pas parce que des fois les choix, peu importe le choix que tu feras, ce sera pas des bonnes options. Mais c'est aussi comme ça que tu choisis tes valeurs morales et tout. Et j'ai un exemple pour ça, c'est que le service militaire en Israël est obligatoire. Mais ceux qui décident de pas y aller, ils sont juste emprisonnés, je crois, pour 3 ans. Mmh. Ils refusent ni quoi, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés 3 ans, et puis après, c'est bon, ils vivent leur vie. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais les gens qui ont fait leur service militaire, comme Gal Gadot et tout ça, dans l'armée israélienne, ils n'ont pas eu le choix. Si, ils avaient un choix. Ils avaient le choix de, est-ce que tu veux aller massacrer des gens qui n'ont même pas de quoi se défendre? Ou est-ce que tu veux prendre 3 ans de prison pour être sûr que tu feras du mal à personne? C'est un choix. Je suis désolée, je préférerais aller 3 ans en prison que d'aller massacrer des enfants. C'est un choix. Ça veut pas dire que c'est un choix joyeux, mais c'est aussi ce genre de choix qu'il faut faire. C'est un choix pour les autres, pas pour toi. Exactement. Enfin, tu vois. Et pour toi aussi, parce que je sais pas, moi je pourrais pas faire du mal aux gens comme ça. Mais oui, évidemment, mais c'est que tu te mets dans une position qui est pas facile, hein, clairement, hein, pour les autres. Oui, c'est ça. Et c'est aussi un acte de rébellion de dire bah, je vais pas soutenir cet empire fasciste. Tant pis, j'en prends une pour l'équipe. Tu vois ? C'est ce que Brasso, tu disais, faisait. Il fait toujours le choix de se dire bon, bah, je fais quelque chose pour que eux, au moins, ils aient une chance. Et tant pis, je prends une balle. Et on ne vous demande pas non plus de vous sacrifier, hein. Mais dans la vie de tous les jours, vous avez des petits choix comme ça. Et ça reste des choix, même s'ils ne sont pas toujours plaisants. Et ça a de l'importance sur une grande échelle. Parce que chaque petit choix que vous faites, bah, ça s'accumule. Et si plus en plus de gens font ce genre de choix de se dire « Je vais aider les autres. Aujourd'hui, je vais faire un petit truc pour que les autres aillent bien. Je vais boycotter cette marque parce que ils soutiennent l'argent qu'on leur donne, ça va pour les génocides et tout. Ok, bah, je peux plus boire mon café préféré à Starbucks. Je suis jamais allée à Starbucks, hein. Ça me concerne pas du tout, mais je parle par exemple aux gens qui boycottent toujours pas Starbucks. Ou McDo, ou peu importe. Ok, bon bah je vais dire au revoir à ma nourriture préférée, mais au moins mon argent il va pas pour massacrer des enfants. Voilà. C'est vraiment pas un choix difficile. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Et c'est juste dire, bon bah tant pis, je trouverai un autre restaurant qui me plaît mieux. Je vous ai dit que c'était la partie fun. Hein. Mais attendez, j'ai dit l'opposé. Maintenant, pour parler d'autre chose qui est peut-être un peu plus léger... Il y a un truc qui a fait couler beaucoup d'encre, pas vraiment, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de presse écrite qui parle de ce genre de choses. Il y a un impérial qui essaye de faire des choses pas bien au cours des épisodes 2 et 3. Et du coup... Comment introduire ça? Faire un trigger warning. Dis qu'il y a un trigger warning. Ouais, voilà, c'est ça, trigger warning déjà. Voilà. Oui, allez-y, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Tu veux le faire, Adrien? Ah, bah, je t'en prie, Maddy. Bah, il y a un trigger warning, du coup. Agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle. Oui. Merci. C'est juste parce que je savais plus comment le dire en français. Du coup, on va être obligé de faire les épisodes en anglais bientôt. Oh la vache. Oui, parce que j'avais que Sexual Assault dans ma tête. Mais comment ça se dit déjà en France? Oui. Et ça, du coup, ça. C'est quelque chose de. J'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de nouveau parce que c'est ça le truc. Il y a eu beaucoup de controverses. Des gens comme un certain youtubeur chauve avec une casquette qu'on déteste chez nous qui disait oh, mais Vador il laisserait pas faire ce genre de choses dans. Dans l'Empire, ça a pas sa place dans Star Wars. On rappelle que un jouet, un cosplay, quelque chose qui a été représenté en affiche énormément depuis 1983, c'est Leia dans sa tenue d'esclave. Qu'est-ce que vous pensez qui se passait dans Star Wars épisode 6? Les gens qui sont choqués de voir une agression sexuelle dans Star Wars parce qu'on en a déjà vu une en fait. On en a déjà vu dans Star Wars et c'était vachement moins bien traité, je pense, ouais, que dans Andor. Oui, c'est violent. Bah oui, c'est violent. C'est un viol. C'est une tentative. Heureusement oui. Que c'en est pas un. Là, ça aurait été trop loin parce que un des trucs qui allait pas à l'époque, par exemple, de Game of Thrones et tout ça, c'était de le montrer. D'y aller trop loin. On n'a pas besoin de ça. Non. Et je trouve que c'est encore plus fort de non seulement ne montrer qu'une tentative, de buter le mec à coups de marteau parce que c'est une réaction tout à fait légitime. Et de dire le mot, du coup, en anglais, je sais pas en français, mais... Oui, rape. Si, alors, je pense qu'il est... Ah bah attends, je vais regarder. Encore une fois, on est dans un truc où on ne laisse pas la place au doute, on met les mots sur les choses, et dans l'ère actuelle dans laquelle on vit, c'est extrêmement important. Et oui, quand j'ai appris, c'est un truc que j'ai appris juste avant, assez vite dans la journée, avant de voir l'épisode. En plus, j'ai su très vite que c'était Bix. Je me disais, putain, la pauvre, elle s'en prend vraiment plein la gueule. Ouais, non, c'est la pauvre. Faut qu'elle respire un peu, elle. Hein. Laissez-la respirer, s'il vous plaît. J'espère qu'elle va tuer plein de gens. D'ailleurs, je crois que c'est son premier kill de la série. Hein. Les deux gars. D'ailleurs, je crois. Alors, c'est même pas elle qui le tue, c'est que il se tue en se cognant la tête. Oui, c'est vrai, c'est même pas lui qui se fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est il a la mort la plus pathétique et c'est parfait. Il fout le marteau dans la gueule, mais il meurt tout seul. Il titube et il se cogne la tête contre une caisse. Effectivement. Et donc ouais, sur le papier, a priori, j'étais genre, je suis pas sûr. Alors, et c'est encore une fois la différence entre vas-y Adrien. Non, si je viens de vérifier, ils disent bien le terme violé, que ce soit dans les sous-titres ou dans la VF. Ok. Ouais. Donc voilà. C'est la différence, comme tu disais, entre montrer la réalité de ce truc, parce que ben n'en déplaise aux gens, c'est la plupart des personnes assignées femmes à la naissance. Ont vécu ce genre de choses. Hein. Mmh. Les gens que vous connaissez, il y a très peu de chances que les femmes ou personnes non-binaires ou personnes à vagin que vous connaissez ne soient pas passées par là. Que ce soit simple agression, harcèlement ou viol. Bien sûr. Donc ouais, ça vous met mal à l'aise, nous on vit avec. Et encore plus en contexte fasciste en plus. Hein. C'est ça, et ouais, puis je suis d'accord avec le fait que voilà, c'est ça la différence de montrer ça, une tentative, en genre, bah c'est la réalité du truc, versus le sensationnalisme de séries comme Game of Thrones et tout, où on te fait du rape porn, quoi. Ouais. Mm-hmm. Où c'est vraiment, c'est vraiment genre du sensationnalisme, l'espèce de voyeurisme. Pornographie du viol. Et c'est... Non. Et du coup, là, eux, ils l'ont fait de façon juste où t'as pas besoin de voir ce qui se passe, tu sais ce qui se passerait si elle se défendait. T'as pas besoin de le voir. Espèce de gros pervers dégueulasse. Ouais. Et puis, je trouve que c'est bien qu'ils aient dit le mot viol aussi, parce que c'est... Alors, je comprends que pour les trigger warnings, il y a des gens qui veulent pas le dire frontalement, ça se comprend complètement. Mais en ce moment, alors vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, il y a tout un... mais une vague d'euphémisme pour parler de ça. Mmh. Alors peut-être que c'est parce que les réseaux sociaux censurent ou je sais pas quoi, qui utilisent l'emoji raisin, le mot grape pour pas dire rape ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est important de le dire parce que c'est mettre la poussière sous le tapis que de pas dire frontalement. Mettre la poussière sous le tapis, ça va pas éduquer les gens. C'est ça. C'est le truc, c'est pas censé te faire te sentir à l'aise. Donc voilà, y a pas de raison qu'on te sugarcoat, qu'on te rende ça plus digestible. C'est ça. Palatable. Non, moi je croyais que c'était un mot français, mais non. Mais en vrai, si ça te gêne, ben, sois meilleur. Hein. Fais en sorte que ce genre de choses-là ne soit pas réaliste. Fais en sorte le monde autour de toi ne fasse pas subir ça à des personnes. C'est tout simplement. C'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous de s'interposer. Et c'est le truc des gars en mode comment je fais ça? Ben, tu rigoles pas aux blagues sexistes. Si t'as un pote qui est lourd et qui harcèle les gens, tu l'envoies chier. Tu lui fous une tatane. Peu importe. Tu le laisses pas faire. Tu fais pas en mode oh bon, je croyais qu'il plaisantait. Non, c'est pas drôle. T'as aucune excuse en 2025. C'est clair. Si t'as un pote qui est dégueulasse envers les femmes, ou ne serait-ce qu'un peu sexiste et fait tout le temps des blagues dégueulasses, envoie-le chier. Fais-le changer. Et s'il change pas, défonce-lui la gueule et barre-toi. Vire-le de ta vie. Reste pas pote avec ça. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si t'es pote avec quelqu'un comme ça et que tu lui mets pas le sous sa face, si tu le colères pas, t'es complice. Ouais, qu'est-ce que ça dit de toi de toute façon hein? Et c'est pareil avec le racisme et tout. Hein. Bien sûr. Le validisme, la fatphobie, tout ça. Le validisme, ça va en vrai. On est... Ouais, c'est le truc le moins. Ils me font chier. Ça va. Faut dire qu'ils me font chier, ces handicapés, on va pas se mentir. Hein. Oh là là là là. Oh, ils veulent tout le temps être le centre de l'attention. Oh, si jamais des gens nous découvrent avec cet épisode, sachez qu'on est tous handicapés dans le podcast. Oui. Oui. Oui. Ouais, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à cet élément-là spécifique? Non, moi je trouve qu'ils ont géré, même si je reprends. Alors j'étais assez d'accord avec Gormol que. Ou Gauchemol, je suis désolée, je sais pas comment ça se dit. Gormol. C'est très touchy comme sujet quand même à représenter à l'écran, surtout que Bix a déjà morflé. Ouais. Après, moi, je pense qu'ils sont assez intelligents et qu'ils écrivent assez bien pour que ce soit pas un élément de développement de personnage. Parce que souvent, le problème que Gauchemol sur notre Discord disait, c'est que c'est souvent utilisé comme un truc de développement de personnage. Le viol, quand t'as une femme, dans les films où c'est représenté, c'est jamais pour dénoncer le système ou quoi que ce soit. C'est la plupart du temps pour faire genre « Oh, regarde, elle a vécu ça, mais ça l'a rendue plus forte » ou « Oh, regarde, on va lui rajouter des traumas ». C'est un outil, comme disait Gauchemol, qui est feignant et vraiment dégueulasse, parce que c'est toujours les femmes qui trinquent. Mais comme tu l'avais pointé du doigt, m'a dit, c'est un crime de guerre. C'est important de le représenter aussi parce que c'est le sujet de la série. Et pour moi, je pense que ça va en rester là dans le sens où ça va pas être utilisé pour son personnage, pour faire genre la pauvre Bix ou lui en foutre encore plus plein la gueule. Je pense que c'était parfaitement logique que ce soit elle aussi parce que c'est une immigrante. Elle est pas blanche. Ouais. Ouais. Et elle venait de souffrir de torture et donc elle avait un PTSD. Et ben tout ça, c'est des gens qui se font beaucoup plus abuser que les autres. Et la plupart des viols et ce genre de trucs, notamment aux États-Unis, c'est des femmes de couleur. C'est les immigrantes, les sans-papiers, les femmes souvent handicapées. Par les autorités. Les femmes victimes d'abus qui n'ont pas de support, pas de trucs comme ça, sont aussi plus à risque d'être à nouveau victimes parce que ben, ça ne te rend pas plus fort d'être abusé, ça te rend plus vulnérable. Ouais. Je viens de regarder sur la page de l'épisode, il n'y a aucun, alors vous me dites si je me trompe, hein, mais il n'y a aucun trigger warning en début d'épisode, ça aurait peut-être été un trigger warning. Oui. Ça, c'est important, ouais, je pense. Parce que j'espère que les personnes qui... Enfin, qui n'a pas eu, en gros, de réponse un peu compliquée de la part de certaines personnes qui ont regardé l'épisode, parce que ça peut vite rappeler des traumas, donc j'espère que... Oui, c'est... Et ce serait pas la première fois que Disney rajoute un trigger warning après la sortie d'un épisode ou un truc comme ça. Donc ils peuvent le faire. Mais tu vois, ça pourrait être aussi un sujet d'épisode. Mais c'est intéressant qu'ils aient pas pensé à mettre de trigger warning parce que, encore une fois, la plupart des gens qui bossent là-dedans sont des hommes et ils pensent pas du tout à ce genre de choses. Bien sûr. Et aussi, t'as aussi le fait que c'est un univers geek. Et la plupart des gens oublient que ben, y a beaucoup de personnes non cis mecs qui sont aussi là et qui ont aussi vécu ça. Et aussi, ça vient aussi du fait que il y a beaucoup de gens qui oublient que les hommes aussi peuvent être victimes. Et du coup, c'est vraiment un truc très très patriarcie centré d'oublier que ben c'est quand même un sujet dont énormément de gens ont été victimes, peu importe leur genre ou leur sexe. Et du coup, bah, c'est toujours bien de mettre un petit truc en mode « Hey, attention !» Juste pour vous prévenir. Bah, chez nous, on a eu Alex qui a eu la pertinence de nous le dire, quand même. Oui. Ouais, merci, Alex. Oui. On l'a remercié, d'ailleurs. Donc, ouais. Yep. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien. De le faire, je pense que c'est important. Je pense que là, une des raisons aussi pour lesquelles ils l'ont pas mise, ils ont pas pensé à le mettre, c'est parce que c'est pas... Tu sais. Ça va pas jusqu'au bout. Voilà. Merci. Mais c'est le même impact pour plein de gens. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là-dessus ou pas? Bah, du coup... Juste un petit... c'est quand même sur le sujet, mais un peu aparté. Il y a eu tout un truc en ce moment pour supprimer la DEI, qui est diversité, égalité, inclusion, genre de truc où, en gros, ils essayent de faire en sorte que les entreprises recrutent pas juste des cis mecs blancs. Et en ce moment, c'est en train d'être un peu détruit par Trump et tout. Eh ben, vous savez, un des boulots des gens qui sont... j'ai que les mots en anglais. Qui sont managers de ce genre... ou qui sont en charge de ce genre diversité, inclusion et tout ça, au sein des entreprises. Un de leurs boulots, c'est aussi de prévenir ce genre de choses et de dire « Ah, faudrait mettre un trigger warning ou ce genre de choses ». Ça fait aussi partie de leur boulot. Ouais, bon, peut-être que c'est symptomatique de ce qui est en train d'arriver, en fait, actuellement, dans le monde, quoi. C'est pour ça que c'est important, comme, comme truc à avoir. Ensuite, Maddy, tu nous as écrit quelques trucs. Est-ce que tu veux les lire pour... est-ce que tu veux faire tout ça pour le dernier sujet, là, avant qu'on passe au truc un peu plus simple pour finir l'émission. Ouais, ok. Alors, j'ai écrit un pavé sur ce que c'est que d'être une femme dans l'Empire, parce que je trouvais que ces trois premiers épisodes nous montraient quand même bien... avaient abordé assez bien le sujet, alors, de manière quand même subtile, tiens, ça change des autres sujets qu'on a traités. Je sais pas si c'est que moi qui interprète ça comme ça, donc vous me direz, mes camarades et nos chers auditeurices, ce que vous en pensez. Donc, j'ai séparé en trois catégories. Parce que pour moi, c'est représenté à travers trois personnages, qui sont Bix, Mon et Dedra. Bix représente les opprimés, Mon les privilégiés et Dedra les oppresseurs. Les girl boss, on dit. Les girl boss. Ouais. Oh putain, merde. Slay queen. Bix, on l'a bien vu et on vient de le dire, elle a subi beaucoup de violences, que ce soit physique, psychologique et sexuelle, du coup, de la part de l'Empire, évidemment, mais on peut se douter que c'est pas forcément que de l'Empire, hein, parce que toute la société dans Star Wars, elle est patriarcale, quasiment, à quelques exceptions près. Et on a l'exemple de Bix, mais pour les opprimés et pour les personnes même au sein de la rébellion, on a de la violence qui est subie, pas que de la part de l'Empire, mais aussi de la part des autres rebelles, parce que par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode quand Cassian arrive sur Yavin 4 et qu'il rencontre les rebelles, il y a quasiment pas de femmes dans le groupe. Je crois que elles sont deux. Et on apprend que Maya Pei, leur chef, elle est morte. Donc déjà, on sait pas comment elle est morte en plus. Alors je trouve que c'est un peu suspect perso. Et aussi, ils sont même pas sûrs rebelle... qu'elle est morte, mais. Ouais, mais on verra. C'est... mais oui, supposément morte. Et déjà, les rebelles hommes, ils ne respectent pas. Donc la seule rebelle femme qui s'impose dans leur groupe, et c'est aussi la première tuée lorsqu'ils commencent à s'embrouiller. C'est la seule qui s'est pilotée aussi, il me semble. Oui. Elle est littéralement vitale à leur pour leur survie. Ouais. Et je l'ai noté dans mon pavé. Si vous avez été revoir La Revanche des Sith au cinéma il n'y a pas longtemps, vous avez pu voir que dans l'intro, il y a des héros dans les deux camps. Et il y a aussi des ennemis du coup dans les deux camps quand on est une femme opprimée dans Star Wars. Ensuite, je suis passée au personnage de Mon, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, une grosse bourgeoise. Oui. J'ai même noté dans mon pavé que c'est une bourgeoise libérale, écolibérale. Oh, c'est joliment dit, c'est un peu vrai. On l'avait pas mise dans la gauche caviar quand on avait fait le, vous vous souvenez, le classement politique il y a quelques années. Oh bah oui. Et comme on disait plus haut, son groupe il vit dans l'insouciance malgré la présence impériale. Ils sont toujours pétés de thunes. Ils font la fête littéralement dans les deux épisodes, même les trois qu'on peut voir de cette seconde saison. Et surtout, ils en ont rien à branler des autres. Vraiment, il n'y a que Mon qui a l'air de s'en foutre à peu près de ce qui se passe dans leur galaxie, quoi. C'est assez dingue. Encore, ça a l'air d'être plus l'État, la gueule de l'État qui l'intéresse plutôt que les gens. Est-ce qu'il les fait chier aussi les... Donc on voit surtout les... Comment on dit les, en français, les chandrilés. Je sais pas comment ils s'appellent. Qui a l'air de les faire chier, c'est que l'Empire les emmerde dans leur business, quoi. Oui, l'argent. Pas dans leur mode de vie ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais, on est toujours dans une société patriarcale, les femmes de cette société, elles subissent toujours le poids des traditions qu'on voit dans le mariage de Leïda. Qui sert littéralement d'objet, qui est vendu littéralement par sa mère. Enfin, ouais. Moi je le vois comme ça. Après, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Elle est quand même vendue par sa mère pour de l'argent, pour la rébellion. Quoi. Et c'est assez comique. Enfin, c'est pas comique, pardon. Mon, elle est à la fois déchirée entre ses racines et son éducation de chandrilesse, du coup. Et son sens du devoir envers la rébellion. Et c'est assez symptomatique des femmes qui sont issues de ce genre de milieu, d'être à la fois dans leur petit confort, à pas vouloir changer les choses, à pas vouloir que ça bouge, et en même temps à vouloir être plus libre. Enfin, Mon, elle est libre quand même en tant que personnage, parce qu'elle a quand même une carrière politique. Mais cette carrière, bah, est-ce qu'elle l'aurait si elle était, enfin, si son mari décidait du jour au lendemain que bah, c'était fini? Oui, c'est vrai, ouais. On ne sait pas à quel point il a du pouvoir sur elle dans, dans leur mariage. Et quand je disais qu'elle était, qu'on disait qu'elle était libérale bourgeoise, bah, c'est dit plusieurs fois à travers tous les médias à travers lesquels elle apparaît. Ce qui lui importe, c'est la démocratie, comme on nous le répète dans la prélogie. C'est pas les gens. C'est typique de la mentalité bourgeoise. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant le truc de... On n'a pas vraiment d'idée de à quel point leur mariage... à quel point il a du contrôle sur elle. Mais si tu y penses, on sait qu'il a accès à ses comptes. Parce que quand elle essaye de le faire passer pour... c'est lui qui a fait les transactions cheloues parce qu'il dépense de l'argent dans les jeux d'argent et de paris et tout. On sait que c'est ses comptes à elle. C'est sa fortune, elle le dit précisément, c'est sa fortune familiale à elle qu'elle prend. Mmh. Mais le fait qu'elle arrive de façon crédible à essayer de faire passer ça pour lui qui prend l'argent, ça veut dire qu'il a accès à ses comptes, sans problème. Mmh. Peut-être qu'ils ont un compte commun. Et ils ont un compte joint. Ben, ouais. Je pense pas qu'ils aient un compte joint. Si c'est sa fortune à elle, ça doit être son compte de sa famille. Et c'est un point aussi très subtil de... il a probablement un contrôle de ses comptes aussi. Et c'est probablement pour ça qu'elle cherche à avoir un peu plus d'indépendance financière et tout, pour aussi pouvoir avoir un plus de contrôle sur ses propres comptes. Ah bah, complètement, hein. C'est ce que je voulais dire plus tard, c'est qu'elle vit dans une cage dorée et la cage dorée, c'est son mariage, c'est son statut social. Le mariage, il se passe dans le domaine Mofma, pas dans le domaine de Périne son mari. Les couilles. On connaît même pas son nom de famille. Pré-mariage. Du coup, c'est Périne Mofma. Et puis en plus, voilà. Et en plus, on voit clairement dans la cérémonie de mariage que c'est une société patriarcale, la société de Chandrila, parce que c'est le... j'ai oublié, c'est comment on dit... Le marié qui invite la femme dans son... qui lui dit de venir dans son cercle. Ouais. Et c'est le père de la mariée qui fait le... L'officiant. Qui donne sa fille, ouais. Qui fait l'officiant de cérémonie, puisque c'est lui qui a l'espèce de truc traditionnel, etc. Et comme quoi, même quand t'es privilégié dans une société comme ça, tu restes un objet. Et encore une fois, être une femme dans Star Wars, c'est de la grosse merde. et donc ensuite, là, on peut passer à Dedra. Alors, je sais pas si vous avez... des exemples d'autres femmes qui sont officiers impériales ou dans la franchise. Dans les livres, oui, pas mal. Je pensais surtout à l'écran. Mais à l'écran... Phasma Elle n'est pas officier impériale. Elle n'est pas officier. Elle n'est pas... c'est vrai, mais elle fait quand même partie de... Non, c'est vrai, on a vu des gens qui postaient dans les vaisseaux. La madame. Madame. Il y a la madame. Et à part ça, on n'en a pas d'autres femmes. Dans officier, tu veux dire du point de vue militaire ou aussi du point de vue politique, manager, truc. Je pense à, ils sont en uniforme, ils ont un grade. Ouais, je crois que. Parce qu'il y a aussi la celle qui joue la sœur de Catelyn Stark dans Game of Thrones qui est sur un des vaisseaux dans le premier ordre. Le premier ordre, je suis désolée, ils ont vachement plus de diversité au sein de leur... Eu le DEI pour... pour le ils sont ordre. Tellement beaux que le First Order, mais putain. Ils se sont corporatisés à donf avec Snoke. Putain, Snow qui sort d'école de commerce, on a tout con. C'est bon, on a... Mais en vrai, y avait des vrais trucs qui pouvaient être politisés dans la post-logique. Dans la post-logique, qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Mais tu peux tirer des conclusions quand même dans le côté dédiabolisation hein, du... De l'Empire. De... Mais oui, voilà, exactement. Du premier non, mais... c'est un truc qu'on a vu dans la vraie vie aussi avec la criminelle. Là, comment elle s'appelle Marine Le Pen. Oui. C'est bien, tu dis la criminelle, je sais tout de suite de qui tu parles. Ouais, je sais que l'un d'entre vous saurait. Rends l'argent. Ça crevait, rejoins ton papa. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens déjà quand j'étais toujours ado, ça parlait déjà du « Oh, elle est là pour dédiaboliser le FN et tout ». C'était encore le FN à l'époque. Hein. Et tu peux dire qu'ils ont essayé de faire ça aussi, le premier ordre et... Et ça pourrait être un sujet intéressant d'en parler pour de vrai. Mais là, dans l'Empire, ils gardent ça vraiment très blanc et principalement masculin. Je vais faire une aparté là-dessus parce que depuis tout à l'heure, la conversation me fait penser à ça. Mais les livres Iron Widow et Heavenly Tyrant de Shiran J. Zhao sont super intéressants parce que ça touche beaucoup ces sujets-là. Et dans le premier, t'as une femme qui est très rebelle contre les injustices qu'elle a subies en tant que paysanne et dans une société très patriarcale et tout. Mais elle se rend compte que en fait, c'est toute la société et que ça... Elle découvre le féminisme, en gros, alors qu'elle était juste sur une vendetta personnelle. Et dans le deuxième livre, il y a un gars qui est extrêmement à gauche, donc il est très communiste, donc il fait tout ça, et elle lui dit « mais il faut inclure les femmes plus ». Et du coup, il fait « ouais, t'as raison, j'ai jamais aimé qu'il y ait du sexisme et de la misogynie ». Et du coup, il rend le service obligatoire pour les hommes et les femmes. Parce qu'elles sont aussi capables de se battre. Ben oui, c'est vrai, quoi. C'est exactement ce truc un peu fasciste de... on s'en fout de votre couleur ou de votre genre. Tout le monde peut se battre pour nous. Venez, on est tous fachos ensemble. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Et pour en revenir, du coup, à Dedra, Dedra, elle a un peu été comme Finn. On l'apprend dans l'épisode 3, du coup, quand elle dîne avec la mère de Cyril. J'ai trouvé cette scène vraiment super intéressante. Parce que j'ai adoré cette scène, mon Dieu. Ah, mais ouais. Elle est vraiment... Enfin... Bon, pour le côté girl boss de Dedra qui bolosse la mère de Cyril, c'est incroyable. Elle bolosse rien du tout, en vrai. Ouais. Ah bah, tu sens que c'est... Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Elle essaye tellement de... Je sais pas comment dire, d'être un homme dans cet univers complètement masculin. Et on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, et c'est complètement le même genre de personnage que Cersei, du coup. C'est vrai. Qui est en soif de pouvoir, qui cherche à s'imposer dans un milieu qui est quasi exclusivement masculin, qui se fait rabaisser tout le temps. Alors c'est marrant, c'est que, enfin, je sais pas si vous vous rappelez dans la scène de Maxime. Il y a personne qui vient lui parler à part Krennic à la fin. Ouais. Bon, déjà, en plus, c'est Krennic qui vient lui parler, donc c'est... Je l'adore, hein, mais c'est un creep, hein, le gars. Moi, j'ai dit à... Étrangler ? J'ai dit à Gru, dès que Krennic il est arrivé, lui faire des petits sourires et dire « Vas-y, je sais que t'as un plan, dis-moi tout. » J'étais en mode « Ça, c'est le... » C'est le sub qui a remarqué direct la hard dom et qui est en mode ouh, c'est ça. C'est pour moi. Là, c'est marrant parce que je disais à Adrien, Krennic qui va faire un polycule avec Dedra et Cyril, et Cyril et Krennic qui vont se battre pour Dedra. Ils vont se battre pour qui a le droit de se faire peg en premier. C'est ça. Et c'est ça que je trouve dingue avec Dedra, c'est que t'as vraiment ce côté... Enfin, tu sens qu'elle a de la rancœur à donf pour le monde dans lequel elle vit, mais en même temps, elle sert le monde dans lequel elle vit. Ouais, c'est typique Mais il y a plein de monde comme ça dans la vraie vie, hein. Qui, ah oui, quoi. Vraiment, t'as toutes les clés pour faire les, les rapprochements qu'il faut, mais tu retournes en plein dans le système qui t'a pourri la vie. Ça me fait tellement penser. C'est les femmes républicaines. Mais oui, mais ça me fait trop penser aux gens qui veulent pas. Qui, tu sais, avec les dettes de aux États-Unis. Ouais. Genre, ouais. Ben non, moi j'ai payé les miennes. Faut que les jeunes y souffrent aussi. Ta gueule. Oh là là. Dédra, elle est intéressante aussi parce qu'elle est fasciste, mais à tous les points aussi dans sa vie personnelle. Elle, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'être. De contrôler à fond. De contrôler genre, à fond. Elle est tellement fasciste que c'est littéralement. T'inquiète pas, je vais lui faire son emploi du temps. Il t'appelle tant de fois par mois. Il viendra te visiter deux fois par mois. Ça se passera comme ça. C'est genre. C'est militaire, mais dans tous les aspects, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on apprend dans cet épisode que, bah, elle a été placée quand elle était gamine parce que ses parents, c'était des. Alors, elle dit des criminels, mais c'est juste des gens qui ont sûrement voulu s'en sortir, en vrai. Et alors, en plus, c'est assez marrant, c'est qu'elle dit que c'est le Kinder quelque chose. Ouais. Alors bon. Je ne sais pas, hitlérienne. Voilà. Ou les Lebensborn, tout ce que tu veux. Après, là, on est combien de temps après le après l'ordre 66 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. 15 ans, ouais, elle était ado, quoi. C'est 4 ans avant la bataille de Yavin, du coup. Ok, ouais. Ouais, donc c'est 16 ans à peu près. Elle était ado, à mon avis, à l'époque. Bah, c'est ça le truc. Bras, c'est que je trouve qu'un truc qui est assez intéressant, c'est que le. Comment dire ? L'Empire, depuis la saison 1, s'est vraiment montré comme étant simplement une continuation de la République, parce que la République était déjà pourrie. De toute façon, c'était un des trucs. Et là, c'est là que tu vois qu'ils ont compris ce que faisait. Comment il s'appelle ? Lucas. Ouais. Comment il s'appelle le vieux là. Parce que c'est un des trucs de la prélogie, c'est de dire non, la corruption, ça pourrit la démocratie. Et tu vois, les gens, dans un petit niveau, même des enfants, ça a un énorme impact sur la vie qu'ils vont avoir plus tard, ce truc-là. Et ouais, elle a été brainwash dès petite parce qu'elle a été dans un orphelinat de l'Empire et tu peux être sûr qu'ils l'ont élevée pour être un parfait petit soldat l'Empire et tout. Un peu comme ils ont fait avec Finn de ce qu'ils racontaient les Stormtroopers. De façon intéressante, c'est aussi ce que les Jedi font. Prendre des enfants très jeunes, les séparer de leur famille et leur inculquer... des traditions et certaines valeurs et un culte et etc. Ah, complètement. Complètement, mais elle, c'est encore pire parce que c'était vraiment étatisé, quoi. Ah oui. Et c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment... Enfin, je trouve que elle est en personnage principal, mais on lui accorde... Enfin, les gens en dehors de la série ne lui accordent pas le crédit qu'elle mérite en tant que personnage intéressant. Moi j'adore, mais c'est aussi ce que je trouve qui est bien fait avec cette série, c'est que c'est une série qui est vraiment là pour te montrer tout l'aspect politique et de société et trucs comme ça, mais ça laisse quand même pas les personnages de côté et chaque personnage a vraiment son propre parcours, sa propre identité, son propre personnalité. Ils sont pas en surface, tu vois, c'est des vrais. Ils font vraiment vraies personnes. Pas juste des stéréotypes ou des gens qui sont là pour faire avancer l'histoire. Ils ont vraiment aussi chacun leur personnalité propre. Et ils sont tous super bien écrits et intéressants. Et c'est rigolo quand Cyril est en PLS sur son lit. Je veux dire, qui n'a pas fait ça dans sa vie? En plus, la position qu'il a, c'est vraiment la position de bottom, quoi. C'est avec la petite jambe relevée, là. Mais déjà, genre... Enfin, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais Cyril et Dedra, genre, c'est canon, quoi. C'est incroyable, quand ils les ont, mis, ouais. quand ils les ont montrés ensemble dans l'appartement, j'étais, non, ils y sont vraiment allés. Ah, là, là, là. Je veux dire, c'était... On a re-regardé la saison 1 et c'était parfait parce que c'est une personne, elle, qui a besoin de contrôle absolument total, sans opposition, sans remise en question, et qui est extrêmement dominatrice. Et t'as ce gars qui, première chose qu'il lui dit, c'est « Je te suivrai partout, je ferai tout ce que tu veux, et t'as même pas besoin de me dire merci, c'est normal. » C'est genre exactement, ah, c'est exactement ce qu'il fallait, quoi. C'est... c'est genre, oh, ouais, bon, parfait. Mais en plus, tu vois, c'est ça le pire, c'est que c'est ce qu'elle veut, mais en même temps, elle a l'air dégoûtée par lui, quoi. Oui, oui, mais parce qu'il est tellement opposé à elle, dans cet aspect-là, que c'est une personne qui... Elle a du dédain et du dégoût pour les gens qui sont pas débrouillards, qui savent pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Qui sont faibles, entre guillemets. Et du coup, mais il est parfait parce qu'elle peut le... Elle a un contrôle total sur lui et il va pas la remettre en question. Et ça lui change aussi du fait qu'à son boulot, elle est tout le temps remise en question. Et là, à la maison, elle a ce gars. Elle peut faire ce qu'elle veut, c'est sa petite poupée. Ah ouais, complètement. Mais Cyril Frioux. Mais c'est une personne qui a de l'ambition et etc. Et oui, elle a ce double à la fois dégoût parce que ce gars est tellement en dessous pathétique. De moi. Mais en même temps, il va pas me faire chier. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça, quand la mère de Cyril, elle s'incruste dans la dynamique de domination avec Cyril, j'adore. Elle sent obligée de monter, tu sais, sur ses grands chevaux en mode « Alors toi, la vie, tu vas te calmer ?» Eh bien, moi, j'ai adoré. C'est le rêve de tous les gens qui ont des parents absolument horribles comme ça, de dire « Putain, je veux que quelqu'un les envoie chier et les foutre à leur place. » En mode « Non, en fait... » Moi, vraiment, par contre, désolé, mais team Daron de Cyril. Ça m'étonne pas, t'es hyper toxique. Non, mais au bout d'un moment, ton fils c'est un gros nazi, bah vas-y, mais lui s'en parle. Non, c'est qu'il a élevé. T'as vu comment elle est Tu crois qu'elle est pas nazie? Ah, elle est bon. Typiquement, c'est le genre de personne qui dit je suis pas raciste, mais tu vois. Bah non, mais clairement. Ah, c'est vrai, putain. Oh, oui, elle est absolument horrible. Ah, putain. C'est les petites vieilles qui font toutes gentilles et qui votent extrême droite. Hein, bah ça, c'est sûr. Ouais, j'espère juste qu'ils vont s'entretuer. C'est vraiment mon plus grand souhait pour cette saison. Ah si, il y a juste une scène. Alors je voulais en parler. Bah attends, t'es sûr? De quoi? Bah vas-y. Bah c'était quand ils reviennent de Malcine avec son superviseur là. Mm-hmm. Oh, ok. Elle lui dit qu'elle était pas trop chaude pour faire partie de. Oui. De bah de. Et alors c'est comment dire? C'est enfin, c'est pas out of character parce que ça sert à son personnage, mais c'est marrant la petite faille dans son la petite faille dans son vase. Je sais pas ce que ça va donner ça parce que enfin, je pense pas qu'elle aura de rédemption ni quoi. Alors, que ce soit. Enfin, ça me surprendrait, mais pour moi, ça a rien à voir avec une question morale. Hein. Oui, pour moi, je pense c'est aussi parce que c'est plus, ce projet-là. C'est pas un truc qui cause problème à l'Empire. C'est pas quelque chose, c'est pas une faille dans les rouages de l'Empire, c'est juste ils ont des ressources et ils veulent les prendre. La planète pourrait ne pas exister, ça changerait rien. Oui, c'est pas de son domaine de compétence, entre guillemets. Elle, jusqu'à présent, elle essaye de faire en sorte que tous les connards qui font pas leur job... Et d'une façon, c'est pas... Enfin, tu veux pas qu'ils fassent leur job, c'est des fascistes. Mais tu vois ce que je veux dire, de son point de vue à elle, tout le monde est corrompu, tout le monde est feignant as fuck. Ils sont juste en train de faire leur petite bataille d'ego de qui a le plus de petites planètes sous sa tutelle, mais ils mentent, ils cachent des trucs et ils ont... Elle, c'est quelqu'un qui est super efficace et pour elle, elle veut que toutes les choses soient parfaites et super professionnelle et tout. C'est la seule qui vraiment est vraiment elle veut que le truc fonctionne. Et elle a découvert que oh bah merde, ils sont tellement corrompus qu'ils ont caché qu'il y avait tout un complot galactique d'une rébellion qui est en train de se former personne a réagi. On se fait voler des trucs, on se fait humilier, tout le monde s'en fout. Et on a ce gars-là qui a priori est au centre de tout. Et donc elle veut éliminer tout ce qui pourrait être une menace à l'Empire et tout ce qui est un grain de sable dans le rouage de l'Empire et tout ce qui s'oppose à l'Empire. Et du coup, pour elle, ça, c'est beaucoup plus important. Parce que, ben, elle a raison, hein, la rébellion, ils vont détruire... ils vont tout casser. Voilà. et elle arrive sur cette planète qui est faite à la saucisse. T'as que des gars qui sont... T'as que des gars qui sont super imbus de leur personne, qui ont des ambitions démesurées, mais sans vouloir bouger le cul de leur chaise, et qui viennent te faire là... Oh, moi, je suis envoyé spécial de Palpatine lui-même, hein, et puis c'est notre petite mission secrète, hein, VIP. Et puis t'as les deux autres qui sont « Oh, on est tellement intelligents, on a fait de la propagande pour dire que les gens, ils sont aussi détestables que des araignées parce qu'on a mis une araignée dans la vidéo. » Et ils sont tous comme ça, et ils sont en mode « Ah, ce projet est super important, on veut juste leur voler leur truc, mais on veut faire passer ça pour... Ouais, c'est bien qu'on leur vole parce que... Ou caca pipi, ces gens-là, hein. Et elle voit ça, elle est genre... Pourquoi est-ce qu'on m'a foutu dans l'école des clowns, quoi? Pourquoi est-ce que je suis à cette table avec ces gros clowns qui sont vraiment focalisés sur des trucs à la con? Et parce que je suppose qu'elle n'est pas au courant que c'est pour l'étoile de la mort et tout, qu'ils ont besoin de ces ressources. C'est pas un truc qui est techniquement vital, c'est un truc pour faire une arme. Qui serait même pas vraiment utile au quotidien, parce que si tu pètes toutes les planètes, bon bah, t'as plus vraiment un empire après, hein. Donc c'est un peu limité. Et du coup, elle voit ce truc de merde-là, et elle, genre, je veux pas bosser là-dessus, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la planète des Français avec leurs araignées, là? On a une rébellion qui est en train de s'immiscer et de prendre de l'ampleur. C'est beaucoup plus important que d'aller chercher, d'aller miner les pecnos du coin. Et je pense du coup que c'est pas du tout un dilemme moral. Je pense que c'est vraiment juste j'en ai rien à foutre de leurs ambitions à ces gens-là et de leur petit truc de on veut voler des trucs. Moi, je veux me focaliser sur les trucs importants. Pratique, ouais, c'est vrai ça. Qu'elle, c'est le practical. Son... Voilà, et l'autre, en plus, il lui confirme son truc à elle de bah, tous ces gens-là, ils sont juste intéressés par leur ambition personnelle. Parce qu'il lui fait hey, mais non. Ça nous mettrait dans une super position, en fait, d'accepter ce truc, parce que, du coup, on sert l'empereur directement, on est VIP, on sera bien vu, puis ça va nous donner un peu du galon et tout. Et pas du tout ce qui l'intéresse, elle. Et c'est là où les hommes la sous-estiment et sont complètement cons, c'est que depuis la saison 1, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, t'as un mec qui vient et qui fait... Tu veux juste monter en grade, tu veux faire genre que tu bosses et avoir plus de responsabilités. Non, en fait, je veux juste faire mon boulot et être efficace. Et... Ceci dit, connasse de fascisme. C'est ça, absolument. Ah, bon, oui. Elle est extrêmement... C'est pour ça qu'elle est dangereuse, elle est extrêmement fasciste. Ah, et je pense qu'elle n'a pas du tout de dilemme moral. Et c'est là où elle est implacable. Alors que les autres... Elle n'a aucune morale, les clairement. Autres, ils sont juste intéressés par leur... s'en mettre plein les poches et leur petite position personnelle. Elle, c'est vraiment la lame de l'Empire. Elle a pas d'ambition personnelle, elle fait pas ça pour elle, elle fait ça parce que elle est fasciste. C'est son identité. Ouais. Complètement d'accord. Être une femme sous l'Empire, c'est de la merde. Peu importe. Peu importe vraiment où tu te trouves, c'est comme dans la vraie vie, c'est la merde. Je pense que ça va être bien comme conclusion. J'avais normalement prévu une deuxième partie à l'épisode, mais ça fait 2 heures, donc on va s'arrêter ici pour cette semaine. Putain, déjà. Déjà, l'enfoiré, là. Non, mais je n'ai pas vu, en fait. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien de finir sur un petit truc léger avec la deuxième partie sur nos trucs favoris. Tu n'as même pas noté les tiens. Ça peut aller vite, hein. Ben non, j'ai pas noté les miens, mais je peux les dire. Il va improviser. Avant, pas... ok, très bien. Et ben, impro. Vous savez quoi, faisons-le. Pour finir, on va faire rapidement quelques favoris qu'on a dans ces épisodes. À commencer par nos scènes favorites. Adrien, tiens. Moi, ma scène favorite, c'est tout simplement. J'aimais bien la bagarre en fufu sur Yavin là entre les deux, entre les deux groupes. Je trouvais ça un peu rigolo. Et sinon, la scène du tout début. Pas le vol de vaisseau, mais vraiment encore avant, avec donc la personne qui est rassurée par Cassian. Voilà. Mm-hmm. Ok, très bien. Maddy. Alors moi, c'est les scènes sur Chandrila. Je trouve que le fait qu'ils soient allés à fond sur l'orientalisme des costumes, en mode c'est quasiment que des blancs qui portent que des costumes d'inspiration Asie de l'Est. Ah ouais. C'était 100% George Lucas. Ça, c'était. Il serait fier. Vraiment, il serait fier. Ça et toute l'atmosphère anxiogène qu'il y a autour du mariage, c'était. Enfin, même toutes les trois premiers épisodes, là, c'était ouf. J'ai oublié de dire un truc. Oh non. Parce que tu parlais du fait qu'elle est dans sa petite bulle privilégiée, Mothma. Et il me semble que Chandrila, là où ils font le mariage et tout, c'est la seule planète de la série qu'on voit qui n'a pas une occupation impériale. Il y a des impériaux pendant le mariage. Non, mais il n'y a pas des militaires et des stormtroopers et tout. Elle n'est pas sous occupation impériale. Ils sont invités parce qu'ils sont potes avec le mari. Ils sont pas là parce qu'ils sont en contrôle de la planète. Mais du coup, et ta scène favorite? Mais c'est dur à choisir. J'aime vraiment tout dans les épisodes. T'as bien vu, je me suis marrée à fond avec le New TIE Avenger, là. Déjà, j'adore les vaisseaux. Vroom, vroom, voiture, tutut. Donc, j'ai adoré ça. Cassian avait un charisme de fou. Ça faisait du bien de le voir un peu plus cheeky, un peu plus joueur comme ça. Le repas de famille avec des draps qui boulient là. La mère, daronne de Cyril. Tout est satisfaisant. Clairement. Et toi, du coup? Non. Ouais, moi, j'en ai eu plusieurs au fil des épisodes, mais je pense que mon préféré, c'est que quand toute la séquence de tout... les 10 premières minutes du premier épisode entre découvrir un peu le nouveau Cassian et puis le fait que il sait pas piloter le vaisseau correctement et le fait qu'on apprend pourquoi la mission se passe comme ça seulement au début de l'épisode 3 quand il dit à Cléa c'est pas il se pilote pas du tout comme on m'avait dit qu'il allait se piloter le vaisseau. J'ai trouvé ça très drôle, ça explique le bazar de scène. Et ça faisait très très Star Wars un peu plus classique, un peu plus aventure. Ce qui était drôle parce que c'est pas le genre de truc que t'attendrais dans... Tu vois, tu t'attends à des moments plus légers, des moments plus drôles, mais de l'action un peu fun comme ça, c'est très rare. C'était pas ce que j'attendais. Ouais, c'était vraiment kiffant d'avoir ce truc vraiment goofy, vraiment Star Wars-esque, super drôle, avec le vaisseau. Ensuite, vos personnages favoris dans cet arc-là, même ordre, Adrien. Moi, je vais dire la daronne de Cyril, elle m'a fait beaucoup trop rire. Et aussi, Nia, la gentille impériale au début qui risque sa vie. C'est une rebelle. À donner. Oui, mais du coup, elle fait partie de. Elle est dans ses habits de vampire, quoi. Oui. C'est vrai, elle était très chou. Ouais. Oui, alors, adorable, moi, je veux une série sur elle. J'avoue. Adrien est toujours dans la demi-mesure. Et en plus, je veux pas dire, mais c'est, elle a des formes. C'est pas une meuf toute mince comme d'habitude. Mais bien sûr. Non, mais lui, elle est trop mignonne. Le personnage est vraiment génial. Et un personnage qui est héroïque et qui pleure et qui quand même est là en disant, c'est dur, c'est cool, ouais, c'est important. Super. Ouais, c'était vraiment bien ce doux début là. Ouais. Maddy. Alors moi j'ai fait toute une liste. Oui, alors, j'ai mis Dedra. J'ai mis Dedra, Mon, Bix, Cassian et Krennic. C'est très bien, c'est une bonne liste. Et tu qui? Ouais, moi c'est probablement pareil, comme je disais, j'adore les, j'adore tout dans cette série. Évidemment mon petit Krennic, chouchou. Petit bébou, il est revenu. Bah oui. Il est parfait. Il est si pathétique. J'ai bien aimé Cyril, c'était vraiment mignon de le voir tout en PLS et tout avec t'inquiète, ta copine qui fait peur, elle va te sortir de là. intéressant de voir un peu plus de la personnalité de Dedra et de sa vie privée. Mais niveau personnage préféré, j'ai Cassian. Moi, je peux pas choisir Mothma, Lucen, la lesbienne. Laquelle? Oui. Oui. Ok, moi je vais dire, du coup je vais en dire trois, moi, vu que vous en avez dit plusieurs aussi. Dedra, Cassian et comment elle s'appelle? Cléa, j'aime bien. Non, Cléa. Ah, Cléa, pardon. J'ai bien aimé. J'aime bien le fait qu'elle est tout le temps en colère et qu'elle a un petit moment avec Vel qui est rigolo. Ah oui. Et voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On remercie chaleureusement Adrien, Anthony, Karel, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et oui, j'ai dit deux fois Adrien, mais c'est beaucoup trop d'Adrien en ce moment. J'en connais au moins un de trop, ça c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, vive la rébellion et que la force soit avec vous. Bisous. Bisous. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous.